Bonjour, ici Denise Bombardier. C'est par indulgence, nécessité et bienveillance que j'ai accepté de m'exprimer à cette tribune du commun et de m'adresser à vous. J'aimerais, si vous le voulez bien, maintenant, que nous abordions ce sujet fort choquant et apeurant du convoi de la honte. Il est aisé de comprendre que des gens naïfs et peu éduqués se fassent prendre par des discours haineux et sectaires. Ces gens du commun n'ayant pas les outils d'une pensée lucide qu'apporte l'instruction et l'expérience. L'instruction et l'expérience, par exemple, de gens tels que moi, Denise Bombardier. Ces gens ne sont que de pauvres victimes de leurs conditions, mais par contre, n'ayons pas d'indulgence pour les meneurs. Ces gens qui, au fond, revendiquent le droit de tuer leurs semblables. À ces gens, il faut déclarer la guerre. La vaste majorité des gens de la classe moyenne n'ont pas les outils nécessaires pour comprendre leurs conditions ou pour décider pour eux-mêmes. C'est là où des gens tels que moi, Denise Bombardier, se doivent d'être la voix de la raison, se doivent d'intervenir. Car ces gens, il faut les protéger d'eux-mêmes, comme dit précédemment. Donc, j'en appelle maintenant à la GRC, à Justin Trudeau, de leur dire de mettre fin à cette mascarade, cette insurrection où sont instrumentalisés de pauvres gens innocents. Il faut protéger ces gens d'eux-mêmes, ces gens qui n'ont pas l'instruction, la lucidité et l'expérience de gens tels que moi, Denise Bombardier. Nous devons, c'est un devoir, de faire autant que faire se peut en sorte que cesse immédiatement cette dangereuse déviance, cette dangereuse insurrection fomentée par des gens d'extrême droite, possiblement des fondamentalistes chrétiens et que sais-je encore. Donc, maintenant, il est temps de déclarer la guerre à ces gens pour les protéger d'eux-mêmes. Oui, car ils revendiquent le droit de tuer leurs semblables. Ici Denise Bombardier, merci.